Le Forgeron. Palais des Tuileries, vers le 10 août 92. Le bras sur un marteau gigantesque, effrayant d'ivresse et de grandeur, le front vaste, riant comme un clairon d'airain, avec toute sa bouche, et prenant ce gros-là dans son regard farouche, le Forgeron parlait à Louis XVI, un jour que le peuple était là, se tordant tout autour, et sur les lambris d'or traînant sa veste sale. Or, le bon roi, debout sur son ventre, était pâle, pâle comme un vaincu qu'on prend pour le gibet, et, soumis comme un chien, jamais ne regimbait, car ce maraud de forge aux énormes épaules lui disait de vieux mots et des choses si drôles que cela l'empoignait au front, comme cela.